Yo, j'prends le micro, check ce que check ce que ça vaut. J'prête à faire tout ce qu'il faut pour réduire les fakes à zéro. J'arrive de partout, en même temps, dans ta face comme un coup de pain incrusté. Pour rester longtemps, écoute ce que c'est, puis on en reparle après. Laisse-moi crier fuck you all, parce que pas encore fait. Quand je vais être de quoi après deux mois, ça reste encore vrai. Parce que je l'ai fait pour vrai. Shit pas comme tous ceux qui m'ont dit, sans pensant qu'il valait mieux. Moi, j'fais mon shit pour moi avant tout. Écoute ça, c'est juste un avant-goût de mes talents grandissant. Bah, je sais que j'apprends tout le temps. J'travaille avec acharnement tous les jours en espérant entendre mes tracks dans le fond. Pendant que sur un bat, on se défonce, presque tout pas, j'fonce les obstacles. Je défonce ta marche, m'en sac. J'mange les pop à grande bouchée. Tellement que j'arrête pas d'engraisser, yo. Yeah. Hey yo, j'arrive pis j'défonce tout pour le hip hop. J'suis prêt à tout jamais à tort. Toujours debout, j'espère que c'est clair, parce que c'est un bout. J'peux laisser aucun doute, j'suis là pour rester. Faut que t'écoutes. Yeah, yeah, resurrect. Yeah. Hey yo, j'arrive pis j'défonce tout pour le hip hop. J'suis prêt à tout jamais à tort. Toujours debout, j'espère que c'est clair, parce que c'est un bout. Que j'peux laisser aucun doute, j'suis là pour rester. Faut t'écoute, je sais dans le rap, je vais juste d'arriver, mais y'a un début à tout. Puis je vais aller jusqu'au bout, dépasser les limites établies. Pour pas toujours avoir à attendre le jeudi. Pour oublier la mardière de demain, puis bientôt ça va mal demain matin. Je sais pas si je te l'ai dit tantôt, mais tout ce qu'il me faut, c'est juste mal pour effacer les germes qui s'enferment dans un monde, ils se font berner jusqu'à ce qu'ils tombent. Mais nous on se défend en restant toujours d'un temps, puis dans l'ombre, et tant qu'on sorte. En grand nombre, on sinistre pas Chris. Faut être fier de venir d'ici, de mettre la base à carte. Mais avant, le ménage DMC crucial. C'est ceux qu'on veut du cash, mais reste hardcore. Fuck la commerciale. Puis on crie, on fait de l'argent sale, sali par la soif, le travail qu'on y a mis. Yeah. Hey yo, j'arrive puis j'défonce tout pour le hip hop. J'prête à tout jamais à tort. Toujours debout, j'espère que c'est clair parce que c'est un bout. J'peux laisser aucun doute, j'suis là pour rester. Faut que t'écoutes. Hey yo, j'arrive pis j'défonce tout pour le hip hop. J'prête à tout, jamais à tort. Toujours debout, j'espère c'est clair, parce que c'est un bout. Que j'veux laisser aucun doute, j'l'ai pour rester. Faut t'écoute, pas t'en niaiser. Parce que c'est pas se forcer. Voir la réussite des projets, j'n'ai à masse. Même pas gros, vont se réaliser, c'est ça qui m'embarrasse. Tout le monde essaie de stopper. J'pense seulement qu'en mission, tout le monde va se rappeler de mon nom. AZRK, grave ça. Dans tête, yo, j'prends place dans tes speakers. Ben tête, mes mots ont de la valeur sur le mic. Que je ride par de malheur, la vie c'est pas juste des bons bouts. Presse cette bouche, prête à tout. L'avenir j'avais rien à foutre. Maintenant je sais plus qu'est-ce que je fasse quand tout. Mes problèmes font surface. Dans ma tête, y'a des mots en masse. Je sais que c'est pas bientôt que le monde va nous comprendre. Écoute, faut pas nous méprendre, tout apprendre, rien à laisser. Je prends l'assaut ta tête, take du shit, ben tight. Je vais t'apprendre l'époque, pour moi c'est sacré. Yo. Hey yo, j'arrive puis je défonce tout pour les bas. J'prête à tout, jamais à tort. Toujours debout, j'espère c'est clair parce que c'est pas un bout. J'veux laisser aucun doute, j'suis là pour rester. Faut t'écoute. Resurrect. Yo. Hey yo, j'arrive puis je défonce tout pour les bas. J'prête à tout, jamais à tort. Toujours debout, j'espère c'est clair parce que c'est pas un bout. J'veux laisser aucun doute, j'suis là pour rester. Faut t'écoute. Yeah.